Chers auditeurs de Pinot, d'ici, d'ailleurs, bonjour. Énorme bise à tous, chargés de contagions électroniques. Oui, c'est promis. Voilà, enfin, parce que s'il m'avait été demandé, celui-là, mais vraiment, non, j'ai subi des pressions, oui, là encore. Et parfois, il faut écouter ses auditeurs et ses auditrices, surtout quand c'est pour demander un album aussi essentiel que celui dont on va parler aujourd'hui. Frequencies. Par LFO. Le disque qui va, on peut le dire, changer la donne de la musique électronique, changer la donne de la rave culture, et peut-être plutôt la mettre en place d'ailleurs, en paraissant en 1990. Enfin, spécialement en 1991 et en 1990, le truc est ouvert par un single qui va d'emblée propulser donc LFO sur la map monde d'une musique électronique qui est alors loin d'être définie comme elle l'est aujourd'hui. C'est ça qu'on se le dise. Et justement, elle va commencer à l'être grâce à ces deux bonhommes, grâce à ce duo doudingue, mais ô combien génial. Et particulièrement avec donc cet album Frequencies. On va passer 1h30 ensemble à en parler aujourd'hui. Alors à l'écouter évidemment beaucoup, mais on ne pourra pas s'empêcher d'en parler. Et peut-être examiner comment cet album il a rayonné finalement de facto sur tout ce qui a suivi après. Et il rayonne encore, c'est ça qui est assez formidable. Il rayonne encore, c'est clair. LFO, donc comprendre son nom au fameux Low Frequency Oscillator qui équipe tout synthétiseur de base. Hein. Il y en a plus ou moins sur des synthétiseurs. En général, plus il y en a, plus il y a des filtres. Bah, ma foi, plus vos possibilités de travail sur un synthétiseur sont amplifiées. Quoi. Et oui, c'est vrai qu'on est dans ces années-là qui ont déjà été anticipées dès 88. Hein, la SIDA, où c'est passé par là, où on aime énormément mettre des références plus ou moins cryptées, mais elles ne le sont pas tant que ça, finalement, sur le matériel utilisé. 808 State, alors ça, c'est vraiment l'exemple marquant, le groupe de Graham Massey, voilà, en pleine explosion du son de Manchester, cette fameuse Madchester, très liée à la scène de l'Hacienda, qui allait mettre un peu à feu et à sang, et surtout en extase, toute une jeunesse anglaise à partir de 1988. À partir de 1990, et là toujours dans le nord de l'Angleterre, en l'occurrence à Leeds, et spécialement à Leeds et à Sheffield, et tout ça n'est pas très loin de Manchester, hein, les trois villes ensemble forment un espèce de triangle équilatéral où les villes sont distantes de à peine 80 km l'une de l'autre. Quoi. Voilà, ces villes-là sont des villes extrêmement industrielles. Et à partir donc de 1990, finalement, c'est à Sheffield et à Leeds que le nouveau son va se faire. Et ma foi, From Leeds, qui était à l'époque finalement surtout célèbre pour son équipe de foot, deux bambins, Mark Bell et Jess Varley, vont bidouiller des machines. Ce sont deux kids, hein. Ils ont 19 ans quand paraît leur single, 19 ans quand paraît le titre éponyme LFO. Et pour le peu, ils se connaissent depuis un moment, ils s'étaient rencontrés en 1984, c'était deux gamins qui étaient foot breakdance. Et alors, l'histoire dit d'ailleurs qu'ils n'étaient pas dans les mêmes bandes, donc ils étaient rivaux, ils n'étaient pas potes en fait. Mais ils se connaissaient en tant que breakdancers. Ils vont devenir copains en 1989 et se retrouver, me demandez pas comment, et finalement l'histoire n'est pas si importante, mais quand même, ils se retrouvent dans un stage, un atelier photo, parce que parfois, ils doivent glander un peu à droite et à gauche, alors ils se retrouvent à avoir l'opportunité de faire un atelier photo. Et ma foi, là, ils deviennent copains et surtout, ils se rendent compte que tous les deux, ils sont un peu amoureux des machines. Ils retiennent absolument rien de leur stage photo, et la question n'est pas là. Mais comme Jess Varley vient d'avoir un petit héritage, il investit cet argent reçu dans une TB-303, la fameuse tabline, la baseline, quoi, TB-303, et puis du même constructeur Roland, la TR-808. À moins que ce soit la 909 d'ailleurs. Peu importe, hein, l'une appelait l'autre, et on est là dans l'espèce de minimum vital et syndical de l'accoutrement électronique pour faire du son techno, bleep, bass, comme se disait à l'époque. Mark Bell, lui, il est déjà un peu aguerri aux machines. Et quand LFO débarque en 1990, ils sont déjà dans une petite histoire, mais presque local, et très typique du Yorkshire et de la scène du nord de l'Angleterre, qu'on appelait le blip. le bleep, de la bass music. Alors ça dit bien son nom, effectivement, basse comme ça, colossal, boom, et qui, alors le dit la rumeur, auront le don de faire péter les sound systems. Et comme LFO va débarquer avec un single qui va devenir très très fort, le single va se vendre à 150 000 exemplaires. C'est colossal pour un single de ce type-là. Absolument colossal. Et l'album à suivre presque autant, à plus de 100 000. Ça va envahir les clubs anglais, ça va de facto créer un tube et favoriser ce changement de sound system. Il y a trop de basses, les basses explosent les sound systems, il faut changer tout ça. Voilà. Il y avait un single précédent, d'ailleurs typique de la bass music, qui prétendait un peu au même truc. Et là, c'était dès 1989, voire légèrement avant. Hein, c'est le fameux single de Unique Free. Et si j'y parle comme ça, c'est parce que ça situe cette scène. Il est curieux, et pour le peu, il faut faire des micro-rétablissements historiques, que cette scène soit d'ailleurs extrêmement associée à Sheffield. Or, elle passe aussi par Leeds. Alors pourquoi Sheffield était peut-être plus regardé comme une figure titulaire de cette nouvelle vague électronique que Sheffield ? Bon, y a deux raisons majeures. Il y a une raison historique qui fait que déjà Sheffield, c'est la terre d'adoption, c'est la terre de naissance plutôt même de Cabaret Voltaire, qui a été extrêmement important au début des années 80. Enfin, c'est le groupe par qui le rock industriel arrive, avec Flopping Whistle, basé à Londres. Et puis c'est aussi la terre de Human League, qui eux vont porter cette synthwave au sommet des charts. Donc il y a clairement deux héritages très très forts. Et puis ma foi, comme les gamins qui grandissaient dans cette ambiance-là pouvaient écouter aussi bien du Cabaret Voltaire que de la Northern Soul, parce que ça imprégnait toute la jeunesse 70s et 80s du nord de l'Angleterre, il y avait clairement quelque chose qui se dessinait déjà et qui avait qu'à s'appliquer pour devenir une bass music gorgée de soul électronique finalement. Or, pourquoi on en parlait moins à Leeds ? Bah oui, certainement parce qu'il n'y avait pas ce tag de naissance-là, quoi. Et puis Sheffield, c'est surtout là que va se créer le label qui va signer LFO, label créé par deux disquaires passionnés. Bon, ça c'est souvent le schéma, hein. Vous passez de disques que vous vendez à deux disques que vous faites vous-même. Et ce petit label qui a à peine un an d'existence quand ils vont signer LFO, c'est Warp Records. Donc l'histoire de Warp, elle va commencer avec LFO. Et puis pour le peu, commencer plutôt avec du vrai tube. Warp va se faire les dents. Dès 1992, Warp va compiler Artificial Intelligence, qui est une compilation remarquable, parce qu'en fait, c'est le programme annoncé de toute l'électronique à venir, quoi. Mais juste avant, donc en 90 et 91, quand en 90 est signé le single, puis en 91 l'album, on vient de rien, pratiquement, j'ai envie de dire pratiquement. En fait, le truc est déjà là. Et la force de LFO, c'est pratiquement un coup de bol, j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont à une charnière impeccable. Il fallait qu'il y ait un disque historique qui se fasse cette année-là, à ce moment-là, et c'est tombé sur eux. Et il se trouve que c'est tombé sur un disque remarquable. Alors pourquoi j'évoque une charnière ? L'Acid House s'est passé par là. Manchester a pété les plombs. L'Angleterre a été mise à feu et à sang. Mais finalement, on est dans un truc qui est tellement explosif, tellement jouissif, qu'on sait que c'est éphémère. Si quelque chose doit rester, si cette scène électronique qui est complètement effervescente doit se stabiliser, il faut quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, à lui tout seul, les deux bambins de LFO, Mark Bell et Jess Varley, vont l'incarner. Et c'est ça le coup de génie. Et c'est ça peut-être le coup de génie aussi de Warp, qui va comprendre que, oh là là, il va falloir qu'on commence à parler de techno autrement. Alors c'est là que commencent à apparaître des néologismes un peu gonflants, d'ailleurs, hein, du type IDM, Intelligent Dance Music, ou voire encore Intelligent Techno. Parce que, alors, pardon du nom, mais plus crétin que ces noms-là. D'abord, ça sous-entend que la techno d'origine ou la house d'origine étaient des musiques de cons, ce qui n'est absolument pas vrai. Mais comble d'ironie, associer le mot intelligent techno, intelligent dance music, aux deux pieds nickelés que sont Mark Bell et Jess Varley, ça tient d'une ironie absolument extraordinaire. Alors, on ne va pas tirer sur l'ambulance, mais Mark Bell et Jess Varley, c'était les Beavis et Butthead de la musique électronique. Et comment des mecs aussi crétins pouvaient faire une musique aussi géniale? Bon, en fait, il y a une explication. Un, d'abord, c'est pas des stricts idiots. Mais deux, ils étaient tellement imbibés et imprégnés des substances les plus délirantes qu'on pouvait prendre à l'époque, dance pill et ecstasy en tête, et ce, je dirais, à la ville comme à la scène, que LFO était relativement incontrôlable. Et moi, en bambin journaliste et en rêve d'approcher LFO, comme j'ai pu le faire en 1992 pour enfin faire une interview, j'ai compris qu'il n'y a aucune interview à faire avec LFO. C'était une grande leçon de journalisme d'ailleurs, ça. Et puis ma foi, une grande leçon musicale. Parce qu'effectivement, ça pouvait qu'on pouvait avoir strictement rien à dire et avoir un sourire bête pendant une heure, tout en faisant une musique qui allait non seulement vous rendre heureux pendant toute la nuit, mais qui allait changer la face du monde pendant tout le reste de votre vie. N'ayons pas peur des mots. Donc bravo et finalement grande leçon d'humilité vis-à-vis de ça. De fait, grand bravo à ce duo, quoi. Bon, c'est pas un secret, le duo, il va pas marcher si longtemps que ça. Parce que, bah, justement, il y a des tensions internes, il y a peut-être un qui prend trop de trucs, et du coup, c'est difficile d'assumer. Et on comprend assez vite que la tête pensante du duo, c'est Mark Bell. Et quand bien même, Jess Varley va continuer, lui, à faire des choses tout seul. Donc, j'anticipe déjà sur la fin, on n'en parlera pas trop, mais il y a trois albums de LFO. Le premier, l'essentiel, le vrai, c'est celui d'aujourd'hui. Il y en a un qui va suivre, j'ai finalement assez tard, va prendre du temps à venir, en 95, peut-être 16, qui est moins bien, même s'il est bien, mais qui est quand même beaucoup moins bien. Et de fait, Jess Varley va quitter le groupe à la sortie du disque. Donc LFO va rester un trademark que va gérer Mark Bell. Et derrière ce trademark, finalement, la pratique d'un producteur, d'un remixeur qui, après, va finalement un petit peu recevoir des lauriers. Il a notamment été aux manettes de disques assez essentiels, hein, comme celui de Björk, Homogenic. Et il continue un peu après avec elle. Il est producteur aussi de l'album Exciter de Depeche Mode. Voilà. Bon, alors ça, c'est un petit peu les lauriers, c'est un petit peu les palmes. Moi, de vous à moi, l'album de Depeche Mode ne m'a pas plus touché, celui-là, qu'un autre, quoi. Donc voilà, 13 de mes 10 ans, c'est retour sur ce disque. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est complètement essentiel? D'abord, voilà, il y a deux tubes foudroyants. LFO, ça va être le deuxième morceau que vous entendez juste après l'introduction, et vous allez comprendre que ce morceau-là, à lui tout seul, porte tous les codes de ce qui est fait, mais aussi de ce qui va venir. Un autre single qui est We Are Back, qui est avec son vocodeur façon Kraftwerk. Alors c'est un vocodeur enroué et des techno drums comme ça, très très sec, mais alors avec la pulsion nécessaire, quoi. Et tout est extrêmement bien contrôlé, hein, chez LFO. Il y a un chaud-froid permanent, et en fait la beauté du disque, elle tient de beaucoup de disques intermédiaires et qui, eux, vont vraiment lorgner vers la house, vers la deep house, vont pas aller trop vite, vont laisser entendre comme ça des fins traitements sonores. Et en même temps, on a conscience qu'on n'est pas sur de la grosse machinerie électronique. On travaille essentiellement avec de la TR-808, de la TR-909, bien sûr, la TB-303, elle est essentielle. En synthé, assumé, il est identifié, c'est un Juno 106. Bon, et il y en a probablement d'autres. SH-100, bien sûr. Mais rien de beaucoup plus lourd que ça. Voilà. Donc, il y a plein d'aventures dans ce CD. Et ici, c'est presque contradictoire. Beaucoup de sagesse, quoi. Le premier single avait d'ailleurs vu associé à eux le DJ Martin Williams. Et c'est marrant parce qu'il est même crédité comme co-auteur de LFO. Et en fait, c'est pas le vrai, il l'est pas, mais c'est quand même un mentor assez essentiel pour le groupe. Et à mon avis, sans qui, ils n'auraient pas pris le virage tel qu'ils l'ont pris. Il a été un peu l'arrangeur, finalement, du truc. Et il se trouve que, bah oui, il faut quand même que je le rappelle, Martin Williams, c'est un peu un des piliers de cette bass music. Il était un des fondateurs du groupe Bass, pas du groupe, du label, pardon, du label Basic. Il avait signé notamment Ital Anthems. C'était un one-shot d'un concept qui s'appelait Ital Rockers. je nous le réserve si on a un petit peu de temps en fin de programme. Ou pas. Mais en tout cas, c'est historique. Et justement, là, c'est un petit peu l'année zéro de la Blip Music, 1989. Et dès l'année suivante, vous voyez, on file à autre chose. Et en 91, ma foi, on arrive sur une consécration. C'est-à-dire à la fois la fin de cette Blip Bass Music. Je crois que finalement, le faux, c'est ça. Et c'est le début d'autre chose. D'où ce caractère absolument charnière de Frequencies. Et enfin, dois-je le dire, tant c'était une évidence, c'est surtout un disque gorgé de groove et de danse. Et finalement, jamais avant ça, le petit blanc avait atteint la transe noire avec autant de brio. La preuve immédiatement, bonne écoute de cet album, on se retrouve dans un petit peu moins d'une heure. How is what is house? Synchrotronic, KLF, what's the meaning to living? It's me, house's future. Pierre, Fingers, Adonis of Central, the pioneers of the hypnotic groove. Brian Eno, Tangerine Dream, Kraftwerk, the pitch bone of the Yellow Magic Orchestra. This album dedicated to you. We'll be right back. Thank you. FO, tout est dit, hein. C'est un programme en trois lettres, quoi. Slogan parfait, disque parfait, 30 ans en arrière, mais qui le croirait, quoi. Parce qu'il y a des disques d'électro qui ont 20 ans au moins et qui finalement ont beaucoup plus vieilli que celui-là. Ça, j'en suis convaincu. Et puis évidemment, ce disque a totalement franchi les barrières, quoi. Mais de manière totalement étonnante. Je pense notamment au fait que le disque a été signé chez Tommy Boy. Ça, c'est très intéressant parce que c'est le premier disque du genre comme ça qui quitte le territoire du Royaume-Uni pour aller conquérir les States. Bon, ça n'a pas été une stricte conquête qui est rentrée dans les charts, de fait. Mais le fait que le disque soit quand même signé sur le label tutélaire de l'électro-hip-hop, hein, Tommy Boy, c'était là que Bambaataa avait sorti Soul Sonic Force avec son fameux sample de Kraftwerk. Évidemment, les petits gars de Warp et puis les Jazz Verlet et puis Mark Bell étaient quand même pas peu fiers comme ça, de revenir à la source finalement, au berceau de leurs années breakdance. Et puis oui, je le redis, LFO a été à lui tout seul une porte ouverte énorme et finalement énormément en France. Pourquoi ? Parce que très peu de temps après la sortie de l'album, qui quand même va convaincre. Je reprends une remarque de AY sur le chat. Vous avez réagi comme des dingues d'ailleurs, c'est fou. Hein. Dès qu'on vous met de l'électro, machin, top, hein. comme en 40, ça cause. Mais tant mieux, hein, faut continuer. Mais en tout cas, cette réflexion de Aigret, il disait, voilà, c'est aussi efficace sur un dance floor que dans un salon, quoi. Et ça, il n'y a pas beaucoup de disques qui savent jouer sur ces deux trucs-là à l'époque. Et pas tant que ça, d'ailleurs, après. Donc voilà, ce disque à lui tout seul va faire passer tout un truc. Et je reviens sur le fait que ça avait particulièrement le cas en France, ouais. Parce que dans la foulée de la sortie de l'album, c'est The Rave, enfin, qui arrive en France. En tout cas, la première rave importante à la fameuse rave de la Grande Arche de la Défense. C'est au tout début de l'année 1992, au mois de janvier, je me rappelle. Et la rave culture, elle est complètement underground en France à ce moment-là, que ce soit d'ailleurs à Paris comme en province. Vraiment, elle est là, mais elle est cachée, quoi. Ce qui n'est pas le cas en Belgique, ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce qui n'est pas le cas aux Pays-Bas, ce qui n'est pas le cas en Italie. Quoi. Tout le monde a un truc qui est là-dedans, avec sa marque de fabrique un peu à soi. Il y aura une forme de post-italo-disco qui va aller sur une house très très baléarique, mais vachement intéressante, que feront les Italiens dès la fin des années 80. Les Allemands n'en parleront pas. Le new beat belge et puis toute cette vague du Benelux qui viendra de Hollande va être absolument énorme. Les Anglais, bien sûr, fabriquent le truc à qui même mieux. La France, que dalle. Que dalle. Et rêve magique, donc, à l'aube de 1992, où finalement, à peu près tous les gens qui vont compter sur la scène DJ, mais aussi les journalistes, les organisateurs de fêtes, etc., qui vont finalement marquer la décennie en France, vont se retrouver, voire se rencontrer dans une rêve qui a lieu dans les sous-bassements de la Grande Arche de la Défense. C'est absolument génial. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'Elle est Faux est la vedette. Et il va y avoir un live de Elle est Faux absolument extraordinaire, quoi. Ça y est, le truc est fait, le ciment est fait, et enfin Paris va prendre une leçon. Il était temps, je vous disais, on était à la bourre, mais du coup après les choses vont s'enchaîner, hein. Et puis finalement plutôt bien, on connaît l'histoire après de figures titulaires, hein, comme producteurs ou DJ qui vont suivre. Alors c'est pas forcément directement le fait d'ailleurs de LFO et de la grève de la Grande Arche de la Défense. Mais croyez-moi, et on peut en sourire après coup, effectivement, tout ce qui va constituer la scène, qui va développer le truc après, est déjà sur place à cette Grande Arche de la Défense et danse à qui mieux. Et j'étais content de lire ça dans vos commentaires. C'est Emmanuel Santaromana qui est devenu un DJ extrêmement intéressant, qu'on a beaucoup suivi aussi dans les années 2000 et même dès 90, qui faisait cette remarque sur Facebook et qui évoquait la Grande Arche de la Défense. Ben oui. Et déjà 30 ans, hein, quasiment, quand même. Enfin, 29 ans, pour être précis. Et le disque, lui, 30 ans pile poil. Je ne pensais pas célébrer un anniversaire en parlant de ce disque-là aujourd'hui, mais de fait, c'en est un, quoi. Et du coup, j'ai retrouvé la bande-son de ce live, qui a été édité, figurez-vous, et c'est vachement intéressant. Autant, je vous ai dit, la France était en retard pour attraper le machin, autant elle a plutôt réagi avec acuité, parce que ce live de la Grande Arche a été en fait édité dans un CD promo, mais distribué gratuitement avec Libération. Le journal Libération, le quotidien Libération, qui s'était associé à Fnac Dance Music Division. Fnac Dance Music Division, c'était un tout nouveau label qui avait été créé par Eric Morand et qui va être après le père de F Communication, qui va mener avec Laurent Garnier. Donc il y avait quand même une idée de marquer très très fort les esprits. Libération s'associe en offrant le truc dans un quotidien, c'est comme super. Donc le tirage, tout limité qu'il soit, n'était pas introuvable, parce qu'il a quand même fallu en sortir quelques quoi. Donc il existe toujours ce CD, et je vous rassure, on peut le trouver en ligne, parce que non, c'est devenu quand même un truc un petit peu rare. Et ce témoignage live de l'époque est absolument intéressant, sachant qu'en plus un live techno à l'époque, c'est pas si facile, hein. Il faut quand même sortir toutes les machines, il faut synchroniser tout ça en MIDI, ça passe ou ça casse, hein. Il y en a qui se sont effondrés sur ce sujet là quoi. Et il y en a même pas mal qui faisaient des faux lives, alors qu'ils glissaient un DAT sous les machines et puis qu'ils balançaient la machine. Pour LFO, c'est absolument pas le cas. Alors remettons-nous dans cette ambiance, on va écouter le début, quoi. Enfin un passage, bref, on se met dedans. Merci à vous d'avoir été aussi réactifs sur le chat. Je relis un petit peu vos commentaires, il y en a eu tellement là, que je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais ça y va. Donc l'électro stimule autant vos neurones que vos pas de danse et même votre parole. C'est exactement fait pour ça. Et c'est ainsi que l'initiait, d'une certaine manière, LFO en 1990. Et ça continue aujourd'hui. Youpi, non ? Bon, ami RevKid, très heureux d'avoir partagé ce moment-là avec vous. LFO live à la Grande Arche de la Défense. Encore une énorme, encore une histoire dans la grande histoire. Juste ensuite, on se retrouve en Belgique. C'est pas nous qui nous retrouvons en Belgique, mais c'est bien sûr le... C'est bien sûr Pinode qui vous donne rendez-vous avec Martien Gaume. Les Martiens, c'est à Bruxelles qu'ils vivent. C'est une évidence. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.